Bonsoir. Bienvenue à cet agora culturel du vendredi 21 mai 2021. Nous avons le plaisir de vous présenter ce soir, pour la partie musicale, Aïssat, Jean-Claude Vorgy et Olivier Dicary. Ensuite, nous découvrirons la chapelière, Libet Jude, avec son expo Chapeau, Lily Chatoc. Nous entendrons des textes sur le thème de la soirée. Mouvement et repos, sont-ils complémentaires ou opposés? De Vincent, François, Sylvie et Maddy. Ensuite, nous aurons une conclusion de nos journalistes Filmo, qui va aussi s'occuper de nous faire une introduction. À toi, Filmo. Eh bien, les érudits proto-cinéssons ont rendez-vous dans une verticale médiation, l'harmonie d'un décor fusion électronique vidéo apparition. Le truchement des contes et vers satiété composée entame le second épisode d'audit partage. Sans confusion, on est toutes et tous Lucullus cuisinier du Louis XIV que vous connaissez. Lucullus, retenez bien cet interprète. Il est dans nos cœurs comme si nous avions à manger autre chose que des pommes de terre. Allons, allons, place à l'instrument de la voix. C'est là le secret que nous partageons, l'instrument de la voix. Si vous n'aviez plus de guitare, chantons ensemble. Maintenant, on va passer la parole, ou plutôt la chanson, à notre invité ce soir, Aïssat. En attendant, prenons soin de nous. Et même si c'est pas grand-chose, c'est déjà quelque chose, ok? Alors faut pas minimiser, on fait ce qu'on peut, comme on peut. On est comme on est, et c'est comme ça. Yeah. Eh bien, sur cette belle chanson de Aïssat, je dirais que maintenant, on va entendre Vincent. Alors moi, je suis parti de ta proposition, le mouvement et le repos, qui a été choisi la dernière fois par l'unanimité des personnes qui sont là. Alors, il m'est venu un texte que j'ai recopié de mon magnéto. Je compose en général et les pièces de théâtre, donc, sur magnéto, en voiture, c'est encore le mieux, avec le magnétophone à la main. Mais là, c'était ailleurs. Bon, c'était chez moi. Voilà donc ce qui m'est venu hier, que je propose. Le temps pressé, compressé, haché, haleté, se lever, aller, et sortir du repos de la nuit et des rêves, de la méditation physique. Changer, bouleverser, hâter, aller, basculement. Ah, la société du cheval, société des bœufs. Les bœufs, ils connaissaient le chemin, hein, quand on rentrait du boulot. Pas besoin d'être à jeun. Ah, le bon temps. Ça bougeait, mais lentement, hâte-toi lentement du champ au bistrot, du bistrot à la maison. Là, voilà la vie qu'on avait. Bon, et écrivant cela, je prends mon café hier matin pour hâter mes neurones. Neurones, levez-vous, Arbet, Mike, Freight. Vous croyez? Hâte-toi, le Smig t'aidera. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ramez, ramonnez la tête. Aller-retour des pensées en cercle. Et vivre, c'est ça, vivre aussi. Ou alors fixer vers la lumière le rire, le sourire total et infini qui ne bougerait pas. Mouvement vers, repos en. Qui sait? Kiss et embrasser et toujours et vers est, vers l'être, l'âtre, le repos éternel, nirvana, bousculer, compresser, respirer, regarder, contempler, temple en soi. Bulle d'air et spirale, le temps tambourine, Chronos mange ses enfants, le temps n'attend pas. Le temps trépidant, le temps atrophisant, le temps suspend ton vol. Mais alors, la vie suspend ton cri. Dans un instant de suspension de la respiration, tu trouves l'éternité. Mais tout de suite après, l'éternité fout le camp, comme l'amour. Avec le temps, là, tout s'en va. Avec le temps, va, tu s'en vas. Oui, mais pourtant, tourner en rond, est-ce le repos? Est-ce le cercle? Est-ce le cercle rouge? Est-ce l'infini? Tu es flèche, et pour cette flèche, je bâtirai ma cible. Adi, qui? Adi Arjuna, par exemple, l'archer divin. Apollon, Aei Balon. Celui qui lance toujours ses flèches d'or. Vers où? Vers, toujours vers. Univers. Et, écrivant cela, je vois que l'herbe pousse pas en ce temps. Alors faudra faucher. Il y en a trop de mouvements. Arrêtez ça. Trop de vie foisonnante, trop de pensées, trop de tout. Et le tout, c'est pourtant nous. S'unir au tout, c'est vivre l'arrêt. L'arrêt, est-ce la paix? Ce n'est pas en tout cas la guerre. La guerre de tous contre tous, de soi contre soi, d'envers à soi, d'envers du monde, d'envers. Mais où est l'endroit? Sur la route qui nous mène au... Oui, mon bateau. Oui, naviguer. Et rire. Mais n'est-il pas là le repos du sérieux, c'est-à-dire de l'action effrénée, rire de tout, rire de soi, Oui, mon bateau. Allez, dernier jour avant, dernière solde jusqu'à date ultime pour date d'expiration 2. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Schnell, schnell, schnell. Et danser en rond, n'est-ce pas le mouvement vers l'éternité? Le bal, belle, Belen, le beau, le soleil. De nous, si le mot merde, a dit Ferdinand Céline, ça sera bien joli. Bon, peut-être pas quand même, qui sait. Et demain sur nos tombeaux, les blés fleuriront plus beaux. Rira bien qui rira le dernier, qui rit vendredi, dimanche pleurera. Patience, patience, patience dans l'azur, chaque atome de silence et la chance d'un fruit mûr. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, a dit, il en est même qui m'envie, a dit Johnny, qui jaunit quelque part. Mais dans la trajectoire des étoiles, il nous faut bien danser encore, danse de Saint-Guy, de Saint-Guilly-Guilly, danse, danse pour trouver la densité. Immobilité, immobilité en mouvement, voilà le cosmos indéfini, expansion illimitée. Voilà, quelques pensées reposantes en plein mouvement activiste. Point final ou point sur la gueule. Point, point, point, point, point, il n'y a pas de point. Point, point, point de suspension. Alors, et le chinois, le gros bang. Qu'est-ce qu'il dit, le Big Bang? Il dit, ouais, ou ouais, agir sans agir. Amen. Il m'est venu que des questions sur ta proposition et j'ai voulu les énumérer sous forme de questions. On te remercie beaucoup pour l'énumération et on a terminé par le Big Bang avec le yin et le yang et le agir de non agir, c'est très bien. Ouais, ouais, ouais, ouais, voilà. Et dans tout ce mouvement et tout ce repos, on va demander à Jean-Claude de nous interpréter une chanson qui s'appelle Ce qu'il voudra bien. Je le laisse choisir ce qu'il veut chanter. Alors. J'ai choisi de vous chanter. En lien avec le thème de la soirée, une chanson que j'ai écrite il y a très longtemps, il y a une quarantaine d'années, et pour la, que j'ai enregistrée sur un 45 tours en 1984, et pour laquelle d'ailleurs, enfin, Vincent pourra confirmer, j'ai été premier au hit parade de Radio Gemozo pendant un mois. Et Radio Gemozo était encore à Rue-sur-Moselle. Et ça s'appelle « Chez nous ». Et ça, c'est aussi une chanson qui a un rapport avec le thème parce que c'est une chanson qui dit dans son refrain « Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ailleurs ? J'ai tout ce qu'il me faut ici. » Chez nous, quand c'est l'hiver, c'est plein de papillons blancs qui tricotent en volant une couverture. Terre endormie. Chez nous, quand c'est l'hiver, la neige qui fait des dunes nous dessine le désert. Et les soirs de pleine lune, on voit passer les dromadaires qui s'en viennent prendre l'air. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ailleurs? J'ai tout ce qu'il me faut ici. Ce que j'ai pas, c'est quand je chante que je me l'invente. Ici j'ai même pas encore eu le temps de tout voir, et y'a déjà plein de trous dans ma mémoire. Puis c'est pas forcément d'aller loin qui me fait aller bien. Chez nous quand c'est le printemps, tellement ils sont contents. Les oiseaux chantent tout le temps quand le pas faire autrement que de rester un moment chez nous quand c'est le printemps. Y'a mon chien qui rigole quand il voit le chat qui vole, et quand le matin se lève tout au fond de tes rêves, t'entends monter la scène. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ailleurs? J'ai tout ce qu'il me faut ici. Ce que j'ai pas, c'est quand je chante que je m'invente. Ici j'ai même pas encore eu le temps de tout voir, et y'a déjà plein de trous dans ma mémoire. Il sait pas forcément d'aller loin, il me fait aller bien. Merci. Bravo. Ah, ça fait plaisir de la réentendre, celle-là. C'était le pot 50, le jury de la réentendre. Super. Oui, merci beaucoup, Jean-Claude. Une très belle chanson qui nous a rappelé les années passées et les années d'antan, effectivement. Ça ne nous a pas rajeunis, mais enfin... Ça fait plaisir à entendre quand même, ce sourire de ces années-là qu'on a connues, peut-être effectivement. Nous allons voir une exposition de Libet, que je vais déjà laisser se présenter avec son magnifique chapeau. Bonsoir. Bonsoir. Donc, mon nom de chapelière, c'est Lily Chatoc. C'est la griffe de mes chapeaux, la marque de mes chapeaux. Et comment je suis arrivée au chapeau? En réalité, c'est un hasard de la vie. C'est un peu comme un cadeau qui m'est arrivé. et qui m'a permis d'exprimer ma créativité. Ça a été un moyen pour moi d'exprimer ma créativité à une période où j'étais travailleur social et où j'avais besoin de trouver un autre type d'expression que dans mon métier. Et ça a été la découverte des chapeaux qui était un pur hasard. En réalité, à l'époque, mes filles étaient petites et on achetait leurs habits aux fripes sur le marché. Et le fripier avait des très beaux chapeaux anciens que j'achetais pour mes filles qui se déguisaient beaucoup et qui faisaient des spectacles et qui adoraient mettre ces chapeaux. Et quand le fripier a vu mon engouement pour les chapeaux, il en a acheté de plus en plus et moi, je les lui rachetais. Jusqu'à découvrir que c'était de merveilleux chapeaux du XXe siècle, à peu près de toutes les périodes, depuis 1900 jusqu'à 1980, toutes les périodes de la mode du XXe siècle. Et je me suis pris de passion pour ces objets. Et j'ai découvert à travers eux tous les styles des différentes périodes, mais aussi les matières et les accessoires. Ça allait des petites voilettes incroyables aux fleurs anciennes, aux plumes, bien sûr. J'ai découvert que j'adorais les plumes. Donc, ça va de la plume d'autruche à la toute petite plume, au tout petit décor de rien du tout, qui va égayer un chapeau, qui va le rendre poétique. Et petit à petit, donc, j'ai commencé à, bien sûr, les accumuler, ensuite les customiser, les modifier, puis tout doucement les vendre sur des brocantes ou des associations, jusqu'à ce qu'un beau jour, la source s'est tarie et il ne m'est plus arrivé de chapeau ancien par ce biais-là. Et là, ça a été la panique. Est-ce que j'allais manquer de chapeaux? Ce qui fait que la solution, ça a été d'en créer moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé à créer mes propres modèles. Et ça fait maintenant bientôt 25 ans. En fait, ça t'a fait travailler du chapeau. Tout à fait. Du coup, je suis une fille de commerçant. Mon père avait un magasin de tissus. Et ce magasin était mon lieu de jeu. De toute petite, je passais ma vie dans ce magasin, on jouait à cache-cache avec mes cousins derrière les piles de tissus. Enfin, je me suis aperçue rétrospectivement que c'était un lieu de plaisir pour moi, cet endroit, et que j'y avais beaucoup de mémoire sensorielle, de souvenirs sensoriels. Et je me suis mise à créer des chapeaux textiles en accumulant des belles matières, des lins, des cotons, des soies, et avec un goût des beaux tissus. Donc, petit à petit, sont arrivées des formes différentes parce que mon intention était de trouver des formes qui aillent à toutes les femmes pour que chaque femme puisse trouver son chapeau. Sachant qu'on a des têtes différentes, des visages différents, des teints différents et que du coup, il faut une grande diversité pour que tout le monde trouve son bonheur sur un stand de chapeau. Je me suis aperçue aussi qu'un chapeau, en réalité, c'est une sculpture. Et que les modistes autrefois, elles avaient une créativité folle. Elles ne se donnaient aucune limite en matière de chapeau. Ça pouvait aller de l'âge du chapeau gigantesque au tout petit bibi de rien du tout. Et que Schiaparelli, par exemple, a fait un chapeau soulier parce qu'elle était apparentée au surréalisme. Donc, le chapeau, ce n'est pas très loin des arts et de la sculpture. Et c'est aussi ce qui m'a permis de développer tout un tas de choses et surtout la liberté de créer. Voilà. Donc après, il fallait trouver des lieux pour la rencontre entre les chapeaux et les dames. Donc ça, je suis maintenant artisan d'art du Grand Est et donc je peux les proposer sur des salons de la mode ou des marchés de métiers d'art ou encore à l'atelier quand les dames veulent se faire un chapeau sur mesure pour l'assortir à une tenue. Mon grand plaisir, c'est effectivement ce dernier moment. Le premier moment, c'est le choix des matières et d'aller chiner partout pour les trouver. Le deuxième beau moment, c'est la création du chapeau. Et le troisième moment, c'est celui de la rencontre entre le chapeau et la dame qui va l'adopter et ensuite le porter. Ou le monsieur ? Non, les messieurs m'ont beaucoup déçu. Ils m'ont demandé des choses. J'ai créé pour eux et finalement, il se trouve que ce que j'ai créé était trop original et ils ne me suivent pas. Ils aiment que Ils aiment que ce soit original sur un stand, mais pas pour eux, quoi. Donc, j'ai abandonné les messieurs. Mon Dieu. Écoute, c'est magnifique, Libette. On te remercie vraiment beaucoup d'une présentation qui est faite avec le cœur, qui est une histoire d'amour entre toi et les chapeaux, en fait. Si je peux reformuler tout ce que tu as dit, effectivement, c'est quelque chose que tu as tricoté au fil des années et qui maintenant est devenu une collection et qui est devenu maintenant, on va dire, une étiquette, quelque chose de marqué, marqué de, du sceau de Libette, voilà. Donc, chapeau Lily Chatoc est marqué du sceau de Libette Jude, qui crée tous ses chapeaux. À voir le sien, là, est magnifique. C'est une petite toupette que tu as là. Tourne voir un peu la tête. Oui. Voilà. C'est exactement ça. C'est tout à fait l'originalité du chapeau, comme on aimerait le retrouver, parce qu'effectivement, dans les temps plus anciens, on mettait des chapeaux. Comme tu dis, il y avait une grande largeur pour le chapeau. Mm-hmm. Voilà. Eh bien, là, on va vous montrer l'exposition de Libye. Voilà, qui sont ravissants, effectivement. Oui. Ah oui. Chapeau. Oui, chapeau, voilà, exactement, chapeau. Alors, on va passer la parole, ou plutôt la chanson, à Olivier Dicari. Ce n'est pas une chanson, je crois, spécialement sur le thème, parce que je ne pense pas que j'en ai. C'est une chanson qui s'appelle « Enfant de l'univers ». On n'entend pas beaucoup ta guitare. Ah, merci pour le calot, Jean-Claude. Ah ben, elle n'est pas. Un calot de Libette. Ça devrait aller mieux. Oui, ça va mieux. Enfant de l'univers, passant sur cette terre, troubadour et trouvert, tu vas en pauvre air, portant rêves et chansons, de maison en maison, en fidèle et chanson d'un plus bel horizon. Ton pain est l'amitié, et l'amour est ton eau, paysage plus beau d'une terre unifiée, où les hommes sont frères et où l'enfant est roi, où l'amour est la loi et la joie la lumière, où l'homme à l'âme fière est beau et juste et droit, de parole et de foi, entier dans sa prière. Enfant de l'univers, tu connais des secrets de tours et de chaumières, de châteaux, de vallées, de joie et de détresse, de passion, de raison, de rêve à foison, de serments, de promesses chuchotées à la brune dans le creux d'une oreille, à l'amour qui s'éveille sous un rayon de lune. De prince ou de princesse qui derrière la fenêtre et sans se faire connaître te couvre de tendresse. Enfant de l'univers n'est pas toujours compris. Va sans compromis, hors chemin de travers. Né d'un rêve trop grand, d'une immortelle quête, sans rêve de conquête, sinon celle du vent. L'amour a ses revers, tu ne sais pas pourquoi. Tu pleures ou restes quoi? C'est la vie à l'envers. Enfant de l'univers, tu reprends ton chemin, efface ton chagrin, continue ton pas vert. De rire en lendemain, où sous la même flamme, tous les hommes et les femmes iront main dans la main. En ce jardin si vert, tous seront des enfants, les petits et les grands, enfants de l'univers. Les petits et les grands, enfants de l'univers. Merci, merci, merci. Voilà, merci Olivier. Merci à vous. Voilà, alors on va passer à un texte de Françoise. Alors, elle va nous faire un texte sur la vague de Canavaga. Sur un dessin de Okazai. Donc Françoise va nous dire un texte qu'elle a écrit sur cette vague de Canavaga. L'immense vague de Canavaga de l'artiste japonais Okusai a vraiment de quoi faire peur par sa force, sa violence et sa brutalité. Vertigineuse, elle emporte tout dans son terrible mouvement circulaire avec à son sommet des griffes crochues et des ongles pointus. Gouverner des embarcations par de telles vagues gigantesques est une véritable utopie qui ne permet aucun subterfuge. Et les pêcheurs, pris dans ces rouleaux géants, voient arriver leur dernière heure. D'effroi, ils pourraient hurler devant ces lames acérées et prêtes à les lacérer avant de les engloutir. Kaléidoscope kafkaïen, oppressant au plus haut point, absolument abasourdi par ces énormes vagues successives, ne pouvant rien faire contre elle, les pêcheurs se sentent impuissants. Avant qu'une vague encore plus forte s'abatte sur eux et qu'un grand nuage blanc les prenne en charge dans un ciel rosé jusqu'au mont Fuji. Alors, Ils se retrouvent tous dans le cratère éteint du volcan, wagnérien endroit sacré de 3800 mètres, impassible et éternel, à admirer la vie sur Tokyo et la mer déchaînée. Merci Françoise. Voilà. Françoise, on te remercie beaucoup pour ce texte qui est très joli, qui était écrit quand même, je pense, en acrostiche. Hein. Oui, c'est un acrostiche, oui, oui. Voilà. Et c'est bien que tu aies montré l'estampe, parce que comme ça, on voit le mont Fuji en arrière-plan, et c'est bien. On suivait vraiment ce que tu disais par rapport à la vague en elle-même. On suivait toutes les descriptions que tu faisais par rapport à la vague. On imaginait dans cette estampe ce que tu racontais. C'était très, très joli. Alors maintenant, on va entendre Aïssat. Eh ben, en fait, ça me donne envie de vous chanter une chanson qui s'appelle « Sans papier ». Ah. Et c'est un peu pour justement, ben voilà, quoi, les sans-papiers, ça inclut un peu le mouvement, puisque c'est souvent, ça part souvent de situations un peu dramatiques et souvent tout le temps en mouvement, justement. Donc. Très bien. Dans la ville, dans la cité, t'en es rien, clandé, c'est ton destin, t'en es rien, caché, ton quotidien, lui, démagogue, en dimanche, distribue des tickets. Dans la ville, dans la cité, t'en es rien, t'en es, c'est ton destin, t'en es rien, caché, ton quotidien, galère, comme ton pays, galère, galère, galère, comme ton pays, galère, oh, dans la ville, dans la cité, il n'y a pas de sang, papier. Dans la ville, dans la cité, t'en es rien, clandé, c'est ton destin, t'en es rien, caché, ton quotidien, rue des magots, en dimanche, distribue des tickets. Terrasse, n'a aucune classe, ministère terrasse. Voilà, alors, bonsoir aux nouvelles arrivées, là, voilà. Oui, coucou. Alors, maintenant, nous allons passer à un texte de Sylvie. Voilà. Alors, je vais vous lire un texte qui est venu en deux fois en spontané, suite à la proposition de Catherine sur cette... moi, je l'ai pris comme une réflexion sur cette question entre le mouvement et le repos. Sont-ils opposés ou complémentaires? Voilà. Alors, je l'ai appelé énergie. Le mouvement. Il peut être coquin, car il est parfois mou, volontaire ou menteur. Alors, quoi en dire? Il peut être lent avec un effet calmant. Il peut être rapide avec un effet speed, mais aussi souple, fluide, saccadé, vif, aisé, spontané, retenu, involontaire, mécanique. Bref, il est riche et varié. On le définit par un changement de position dans l'espace. On le décrit par une vitesse, une trajectoire, son ensemble des positions au cours du temps. On l'étudie dans un référentiel donné. Son étymologie issue du latin movere, remuer, emmène à s'interroger sur son opposé, calme, éteint, inerte, sage, tranquille, à savoir le repos, cessation de toute activité ou occupation. Pour faire disparaître la fatigue, l'immobilité et la détente, permettre au corps et à l'esprit de se régénérer, se reposer, c'est se ressourcer. C'est honorer l'être et le corps que nous sommes. Alors, je réponds les deux à la question. Le mouvement et le repos sont-ils opposés ou complémentaires? Leur définition montre leur opposition, leur rôle prouve leur complémentarité. À chacun et chacune de trouver son rythme dans cette danse de la vie, équilibre et harmonie pour une plus belle énergie. Bravo! Ah, c'était bien. Continue. Voilà. Alors, voilà. Là maintenant, nous allons entendre Jean-Claude qui va nous chanter ce qu'il a envie de nous chanter, en fait. Baisse-toi pour qu'on te voit. Bonjour Eric. Bonjour Catherine. Voilà Jean-Claude. Qu'est-ce que tu vas nous chanter maintenant? Eh bien, avec un joli chapeau de chapeau Lily Chatoc. Ouais. Je vais vous chanter une chanson, puisque le thème c'est le mouvement et le repos. Je vais parler des gens qui courent. Oui, vas-y. Partout et toujours, les gens courent, se fait-il en retard pour je ne sais quel départ? Où s'en vont-ils chercher un Eldorado caché, un trésor enfoui dans les vagues du temps? Aveuglés, sourds à tout ce qui les entoure, ils ne prennent pas le temps de jouir du printemps, d'écouter les chansons venues des quatre saisons, de se sentir vivant au souffle du vent. Mais se poser, s'allonger sous le ciel, fermer les yeux, goûter le soleil, et s'oublier loin de l'effervescence, dans la douceur de l'existence. C'est quelque chose. Il n'avait pas chanté la fois. Le parent pressé, l'agenda saturé, les jeux n'ai pas le temps, désolé on m'attend, tyrannie de la montre qui tue les vraies rencontres, fatale allégeance au règne de l'urgence. Il y a dans l'ivresse de cette folle vitesse le signe, l'aurore d'une violence qui dort, désir de puissance où l'ego mène la danse, tout faire vite est mieux en tutoyant les dieux. Mais se poser, s'allonger sous le ciel et s'abandonner à l'essentiel, en célébrant dans cette apesanteur les bienfaits de la lenteur. Mmh, mmh, se pas précipiter leur trépas, ou plutôt se duper de pouvoir en réchapper, en rejetant l'évidence du temps. Partout et toujours, les gens courent, partout et toujours, les gens courent. Les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent. Merci Jean-Claude. J'adore cette chanson, moi. Alors là, elle me tourne dans la tête. Je pense que ça va devenir la rengaine de l'association. Je ne sais pas, on va te demander de faire un spectacle exprès avec l'association parce que cette chanson, elle me tourne dans la tête. Elle va vraiment avec Ralentir pour vivre. Je trouve ça génial. Les gens courent, les gens courent, les gens courent, les gens courent. C'est tellement vrai d'un côté. Alors voilà. Alors là, maintenant, je vais vous lire un petit texte. Je vais vous lire, bon, c'est Maddy Besson parce que je prends ce nom à chaque fois que, voilà, je ne suis pas en train de vous présenter quelque chose. Mais je vais vous lire un petit texte. C'est en fait le numéro 52 du Yi King, qui est le livre du changement, qui a été écrit par un très vieux Chinois qui s'appelle exactement... J'avais marqué quelque part, mais je vais ouvrir mon bouquin, ce sera plus simple. Alors voilà, alors je ne sais pas le prononcer à la chinoise, mais c'est Chi Sui, voilà. Et ce texte a été écrit entre 1599 et 1655, vous dire qu'il ne date pas d'hier quand même. Hein. Et donc dans l'hexagramme du Yi King, la montagne, il explique ça que j'aime beaucoup. Alors, il emploie un peu d'autres mots, mais ça représente un peu le mouvement et le repos. Bien que le mouvement et la tranquillité soient opposés, ils sont aussi interdépendants et dépourvus de toute identité réelle. Ultimement, ils échappent à la dualité. L'absence de mouvement est appelée tranquillité. L'absence de tranquillité est appelée mouvement. C'est ce que l'on dit d'eux en parlant de leur opposition. C'est parce qu'il y a eu mouvement qu'il y a apaisement dans la tranquillité. Et c'est parce qu'il y a eu cette quiétude qu'il y a une remise en mouvement. C'est ce que l'on dit d'eux en parlant de leur interdépendance. Calmer le mouvement, c'est rentrer dans la quiétude. Arrêter la quiétude, c'est réactionner la reprise du mouvement. Faire bouger ce qui est immobile, c'est créer un mouvement. Modifier le mouvement, c'est le calmer. C'est ce que l'on dit pour prouver qu'ils n'ont pas, ni l'un ni l'autre, de réelle identité. Le calme en lui-même est mouvement. C'est pour cela que même quand nous nous reposons tranquilles, nous continuons à percevoir, faire usage de nos sens. Le mouvement en lui-même est tranquillité. C'est pour cela que même quand les sens sont mobilisés, en pleine action, on n'en demeure pas moins tranquille. Voilà ce que l'on dit en termes de leur non-dualité. On peut parler de la tranquillité, mais la non-dualité du mouvement et le mouvement et la tranquillité ne sont pas ni opposés ni complémentaires, ils sont ensemble. Voilà. Bon, je me mets les applaudissements. Hein. Gardons le sens de l'humour. Voilà. J'aime beaucoup ce texte parce que je trouve intéressant. Moi, j'avais découvert que le mouvement et le repos sont en fait deux copains. Ils sont copains comme cochons, mais ils ne se bagarrent pas trop en fait. Enfin, ça dépend. Enfin, ça dépend de chacun. Oh. Alors, maintenant, ben, on va entendre Olivier qui va nous chanter. Je vais vous chanter alors le repos d'une île merveilleuse. Perdu dans ma mémoire, ou bien au fond de quelque vieux grimoire, ou dans la nuit des temps, plus loin encore que tout au bout des ans. Dans l'océan des âges, noyé au fond du cœur d'un très vieux sage, est une île merveilleuse. Elle a pour nom mon Icarie. C'est elle que l'homme cherche dans son cri. C'est elle la terre promise. Amour, bonheur et paix sont sa devise. Là-bas, tous les hommes sont frères, l'enfant est roi et tout y est prospère. Cette île est merveilleuse. Là-bas, l'eau coule de la roche, son temps, son chant rythme le temps qui s'effiloche. Elle coule toujours claire et fraîche, donne la vie là-bas que rien n'empêche. Elle a le bon goût du divin quand on la boit dans le creux de ses mains. Cette île et merveilleuse. Viens et donnons-nous la main, ensemble si tu veux, nous ferons le chemin. Viens et qu'on découvre ensemble. Cela en vaut la peine, il me semble. Ce rivage tant attendu, ce beau pays qui jadis fut perdu. Cette île merveilleuse. Cette île merveilleuse. Cette île merveilleuse. Voilà, merci bien Olivier. Merci. Merci bien. Françoise nous a proposé de nous lire un autre petit texte. Oui, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec le mouvement, mais ce n'est pas un acrostiche. Aimer, je commence. Vas-y. Aimer à non savoir qu'écrire. Elle n'aimait pas avoir la tête dans l'eau, mais elle adorait avoir les pieds dans l'eau. Elle aimait infiniment regarder les vagues arriver sur elle et sauter dans la pure blancheur de leur écume à chaque fois qu'une nouvelle vague arrivait. Elle aimait passionnément les rouleaux réguliers des vagues et y faire de grands sauts, toujours plus haut. Elle dansait comme une folle au bord de l'eau, en perdre la raison. Mais elle avait raison de profiter des vagues au bord de l'eau, du mouvement des vagues pour rester en mouvement. Et quand elle en aurait assez de danser au bord de l'eau, elle essayerait de nager vers cet horizon lointain et de se laisser porter par les vagues, jusqu'à cette petite île entourée de rochers pour y faire une petite pause bien méritée. De loin, elle admirerait la plage où elle devrait bientôt retourner, mais d'abord, elle prendrait plaisir à observer les couleurs des vagues qui se brisaient sur les rochers. Tout d'un coup, son attention serait attirée au milieu des vagues par une bouteille toute bleue, mais un peu plus foncée que les vagues. Elle se pencherait pour la ramasser. La bouteille bleue n'était plus très transparente, mais il aurait fallu être aveugle pour ne pas y découvrir une grande feuille blanche enroulée sur elle-même pour mieux la glisser dans la bouteille bien fermée. Finalement, son immense curiosité l'aiderait à l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'elle y découvrirait ? Une grande feuille à l'écriture encore bien visible, avec le verbe « aimer » conjugué à tous les temps et à toutes les formes d'un verbe régulier du premier groupe, particulièrement facile à conjuguer, même pour des élèves étrangers. Alors, les questions fuseraient dans sa tête, les unes après les autres, comme des vagues successives. Elle finirait par penser au texte du recueil « Le fou d'Elsa » de Louis Aragon, aimé à n'en savoir que dire. Merci. Merci Françoise, magnifique texte. Magnifique texte. Là, on va entendre Aïssat qui, à mon avis, se prépare pour nous chanter quelque chose. Je ne sais pas, mais on verra. Avec plaisir. Alors, le repos, le mouvement, le repos. Ça me donne envie de Djam. Djam, c'est la paix. Et ce mot-là, il existe dans toutes les langues. Djam. Vous m'entendez, c'est bien, je peux y aller? Bien, ouais. Ouais? Oui. Merci. Merci. Et merci aussi pour l'invite. Merci. Merci à toi, Aïssa. Très, très jolie. Merci à toi de ta présence et de chanter ce soir. C'est un grand plaisir. Vraiment un grand plaisir. Alors là, je vais vous passer un clip d'une amie, la fameuse Auriel belge, et qui a fait un clip que je trouve très intéressant, qui est sur le mouvement, mais sur le mouvement, comment on va dire ça ? Sur le mouvement militantiste. Il portait des sourires, des pancartes en carton, mais ça ne peut pas suffire face à la répression. Il dansait main en l'air les prisonniers du pont, anonymes, solidaires, en basket et blouson. Par une nuit de novembre, ils étaient en milliers dans la cité ardente à battre le pavé. Un mouvement spontané, pas vraiment cohérent, mais on peut pas le nier, comme toujours, bon enfant. Nous, on est jeunes, on est fous, solidaires et heureux. C'est maintenant qu'on veut vivre, simplement être libre. Du courage, on en a, de l'amour, on en veut. Ils marchaient pour défendre le sort des démunis. Il fallait les entendre, ces poètes insoumis. Ils avaient des tambours, des guirlandes et du feu. C'était des troubadours encore, cortège lumineux. Ils étaient animés d'une forme de désespoir. Trop longtemps confinés, faut pas leur en vouloir. Ils portaient des sourires, des pancartes en carton, mais ça ne peut pas suffire face à la répression. Nous, on est jeunes, on est fous, solidaires et heureux. C'est maintenant qu'on veut vivre, simplement être libre. Du courage, on en a, de l'amour, on en veut. Ils étaient sur le pont, 22h ont sonné. Boucliers et fourgons les ont vite encerclés. Quand bien même il fut trop tard, ils n'ont pas reculé. Et de ces hommes en noir se sont faits prisonniers. Ils chantèrent dans le froid, Orelsan, tout va bien, et clamèrent du brassin ce son de l'harmonica. Ils étaient pacifistes et venaient de tous bords, leur geste est symbolique à ses copains d'abord. Nous, on est jeunes, on est fous, solidaires et heureux, c'est maintenant qu'on veut vivre, simplement être libre. Du courage, on en a, de l'amour, on en veut. Ils ont pris position, ces fous de liberté, pour cette unique raison, on les a embarqués. Insensés, téméraires, on en pense ce qu'on veut, ils se sont laissés faire, j'en ai les larmes aux yeux. Ils portaient des sourires, des pancartes en carton, mais ça ne peut pas suffire face à la répression. Ils dansaient main en l'air, les prisonniers du pont, anonymes, solidaires, en basket et blouson. Nous, on est jeunes, on est fous, solidaires et heureux, c'est maintenant qu'on veut vivre, simplement être libre. Du courage, on en a, de l'amour, on en veut. Voilà, c'est l'histoire à Liège qui a eu une manifestation où des jeunes se sont fait prendre sur le pont sans faire de bruit. Et donc, voilà, Auriel a fait cette chanson en cet honneur. Oui, oui, oui. C'était donc le mouvement, et je pense on va commencer notre discussion après, notre petit débat mouvement, on va faire le tour de table. Mais pour l'instant, on va écouter la dernière chanson de Jean-Claude. Après, on fera peut-être d'autres chansons, mais Jean-Claude a une chanson à nous chanter qui est le contraire de du mouvement, on va dire. Oui. Alors, j'ai choisi une chanson, dans, entre le mouvement et le repos, j'ai choisi le repos là pour le coup. Et c'est pas une de mes chansons. C'est une chanson de Georges Moustaki qui s'appelle Dans mon hamac. Le soleil s'est posé là, léger comme un matin de Pâques. Moi je suis couché sur le dos. Dans mon hamac, ça dure depuis des années. C'est dans mon signe du zodiaque. Peut-être même que je suis né. Dans mon hamac, parfois je voudrais travailler, mais y a ma flemme qui contre-attaque. En me glissant un oreiller dans mon hamac, ailleurs à voir les autres faire. Je sens bien que ça les détracte. Moi j'ai une santé de fer dans ma maquille. Je n'ai pas froid, je n'ai pas chaud, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Le vent tendrement me décoiffe et vient me caresser la peau. Oui, mais l'argent faut pourtant le trouver. Moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je me fais payer pour le brevet de mon hamac. C'est un hamac étudié pour, suspendu comme une Cadillac, presque une maison, un nid d'amour. Que mon hamac, aussi lorsqu'il y a dans l'air un doux parfum aphrodisiaque, on peut voir les feuilles à l'envers dans mon hamac. Mais s'il y a de la place pour un, quand on est deux, ça change et craque. Tout compte fait, on est aussi bien sur l'herbe. Voilà. Ben, merci bien, Jean-Claude, pour ce final en hamac. Et puis maintenant, je vous invite tous à rouvrir vos micros. Libette, allez. Sur la question du repos et du mouvement. Qu'est-ce que tu en penses, en fait? Moi, je les vois bien comme quelque chose de circulaire qui va du mouvement au repos et du repos au mouvement. Donc, pour moi, ils sont complémentaires, vraiment. Oui. Oui. Et si tu faisais un chapeau de mouvement et de repos, il serait de quelle couleur, ce chapeau? Il serait bleu. D'accord. Mais ne me demande pas pourquoi. Non. Le bleu, ce n'est pas ma couleur. Moi, je suis dans les couleurs chaudes. D'accord. Alors, pourquoi serait-il bleu? Franchement, je ne sais pas, mais c'est ce qui m'est venu tout de suite. Et il aurait quoi? Des plumes, des fleurs, des oiseaux, des... Ah, il faudrait de la plume, parce que rien de tel que de la plume très subtile pour attraper le mouvement de l'air. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les plumes très fines, notamment les plumes d'oiseaux de paradis, qui sont très très fines, et alors elles attrapent le mouvement de l'air. Et quand la personne qui porte le chapeau se déplace, l'air se prend dans les plumes et elles frémissent. Et je trouve ça très poétique. Merci beaucoup, Libette. C'est une belle manière de voir le mouvement et le repos. Mm-hmm. Une belle façon. Et Françoise, comment vois-tu le mouvement et le repos, toi? D'abord, je me disais que... Oui. D'abord, je me disais que c'était plus opposé. Et en réfléchissant, je me suis dit que finalement, ils étaient, c'était complémentaire. Parce que le mouvement a besoin de repos, comme le repos a besoin de mouvement après, plus ou moins, ils se complètent. Et c'est pour ça que moi, je les trouve plus complémentaires qu'opposés. Et c'est plus ou moins, ça m'a fait penser aux couleurs complémentaires, le rouge qui a besoin du vert et le bleu qui a besoin de l'orange, le jaune qui a besoin du violet. Et c'est comme ça que je vois le repos et le mouvement. Tu le vois donc tout en couleur? Aussi en couleur, mais surtout complémentaire. Donc, on l'a vu en chapeau, en couleur. Et maintenant, avec Jean-Claude, comment est-ce qu'on va voir le mouvement et le repos? Le mouvement, c'est la vie. Le repos, en allant dans l'absolu, c'est la mort. Mais on peut pas vivre sans l'un et l'autre. C'est-à-dire que Le repos nourrit, donne l'énergie au mouvement, et le mouvement nécessite le repos. Donc, voilà. Dans le repos, c'est vrai qu'il y a l'image du repos éternel, mais bon, il y a plein de nuances dans le repos, quoi. C'est en fait deux pôles qui sont sur une ligne droite, puis un curseur qui se balade là, qui est le curseur de notre vie. À un moment donné, le mouvement, c'est être en vie, quoi. C'est vivre, c'est être dans l'action, etc., quoi. Mais on ne peut pas toujours être dans l'action, on a besoin du repos pour se ressourcer, pour se régénérer. Donc, c'est vrai qu'ils sont complémentaires, autant qu'ils peuvent être opposés à des moments donnés, quoi. Hein. Voilà, c'est bon. Puis c'est un mot, le repos aussi, que bon, on l'a mis à toutes les sauces. Il est, par exemple, dans le langage militaire, tu sais que dans le langage militaire, il y a des injonctions, présenter armes et repos. Tu vois, il est même mis à la sauce militaire, c'est-à-dire. Merci Jean-Claude, tu as toujours une façon de voir les choses qui est toujours un peu un autre côté, une autre fenêtre sur la question. C'est vrai que le repos éternel, ça pose questionnement, effectivement. Et puis, le repos militaire, encore plus, nous a ouvert à des questions là qui on ne les attendait pas, tu vois, repos militaire, repos éternel. Mais c'est tout ce qu'il y a dans les mots. Oui, ouais. Oui, effectivement. C'est ce qu'il y a dans les mots. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant. C'est, comme on avait vu l'autre fois, c'est que chacun amène quelque chose qui nous fait voir. C'est comme si on tournait autour d'une question, puis on voit différentes façons, comme quand on tourne autour de quelqu'un, on lui voit l'oreille droite, ensuite le nez, ensuite l'oreille gauche, ensuite les cheveux. Enfin, il y a toute une façon de voir qui est toute différente. Mais le mouvement, pareil, quoi, je veux dire, le mouvement, quand on parle du mouvement comme on en parle ce soir, c'est un mouvement qui bouge, c'est de l'action. Alors qu'il y a des mouvements littéraires, il y a des mouvements artistiques, c'est pas du tout la même donnée physique. Non, il y a aussi le mouvement contestataire. Oui, c'est ça. Il y a des mouvements politiques, il y a des mouvements contestataires, il y a des mouvements. Mais voilà, c'est quelque chose qui bouge d'une certaine façon, qui évolue, qui voilà. Bon, ouais. Il y a aussi des mouvements harmonieux. Il y a aussi des mouvements harmonieux dans la danse, par exemple. Ah ben oui, le mouvement, oui. C'est agir, bouger, c'est le mouvement, quoi. Hein. Oui. Et puis dans le hamac, c'est bien aussi. Alors oui, c'est plutôt le repos, là, quand même. C'est pas éternel, hein. Je mets juste un petit bémol, là, un repos bénéfique dans le hamac. Hein. Repos, c'est aussi la tranquillité d'esprit, le repos. C'est pas que le physique, c'est aussi se reposer la tête, quoi. C'est s'arrêter intérieurement. Oui, eh bien, sur ces belles et magnifiques paroles, Mickey, qui n'a pas remis son micro en route. Mickey, je ne sais pas le nom de la personne qui est à côté. Oui, c'est Tina. Tina et Mickey, alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, du repos et du mouvement? Eh bien, moi, je pense qu'on peut être en repos dans le mouvement, parce que quand on est en conscience dans son présent, dans le présent du mouvement, on peut être en repos dans le mouvement, voilà, comme dans le, peut-être dans le tai chi, où on arrive à trouver un équilibre tout en étant dans le mouvement et le relâchement et l'énergie qui passe, qui est fluide. Voilà, moi je dirais ça. Et puis alors, on peut être dans le repos, dans le mouvement, et on peut être dans le... et si on inverse, alors attends, on peut être dans le mouvement et dans le repos, et on peut être dans le repos et dans le mouvement. Oui, il y a un équilibre à trouver, voilà. On peut ne rien faire et avoir l'esprit qui galope, par exemple. Voilà, par exemple. Voilà, la vie d'une art thérapeute, le mouvement et le repos. Oui, alors là, le mouvement, là où je travaille, est tellement quelque chose de compliqué. Le mouvement intentionnel ou le mouvement involontaire, c'est... Voilà, il y a les... On est vraiment parfois dans une autre dimension, dans le sens où le mouvement est tellement difficile pour les personnes à faire, à maîtriser, que voilà, ça c'est compliqué, oui. Voilà. Aïssa, vas-y, oui. Exprime-toi. Sur le repos et le mouvement, des battements du cœur, de ce qui est vivant, quoi. Ça représente vraiment ce qui vit. Parce qu'à partir du moment où ça vit, ça rentre dans un mouvement. Et puis ce mouvement, il se clôt par une fin qui, elle en soi, est aussi un mouvement, puisqu'après, on change. Quoi. Je veux dire, si c'est une plante, elle redevient de la nourriture pour la terre, etc. Nous, pareil, on devient de la nourriture pour les vers. Ou... Voilà. Donc, c'est ce truc de vivant, le vivant, quoi. Vraiment, ça me fait penser au vivant et au fait aussi que le juste se trouve dans l'équilibre et qu'on est sans cesse en train d'essayer d'équilibrer tout ça, justement, parce que n'est que des influences et que du coup le mouvement, on est en perpétuel mouvement dans tous les sens. Magnifique, une belle vision, magnifique, Aïssat. Effectivement, ce cycle dans lequel on se retrouve, où effectivement le mouvement, il y a aussi ce mouvement de on se transforme, on redevient de la nourriture pour la terre nous nourrit et ça retourne et ça revient et ça retourne. Voilà, c'est ce mouvement qui, c'est le mouvement un peu, voilà. Ouais. Et en plus dans la respiration, tu vois le système de respiration, donc il y a le moment où il y a un arrêt, ensuite on inspire, ensuite il y a un arrêt. Et puis ensuite, en fonction de ça, dans ce cadre-là, après, soit le cœur s'emballe, soit le cœur ralentit, mais je veux dire, c'est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'après une inspiration, il y a forcément un moment où on s'arrête de respirer, et ensuite, mais c'est tellement inclus dans notre, c'est en nous, c'est partout, qu'on n'en prend même pas conscience. On doit prendre conscience de comment on respire pour se rendre compte que dans la respiration, il y a un moment où on s'arrête. Oui, et on en vient au repos de Jean-Claude, le repos éternel aussi. Quand la respiration s'arrête totalement, alors là, c'est un autre style de repos. Quand on expire. Quand on expire, voilà. Oui, c'est comme quoi les mots, là, on travaille tous les mots ont quelque chose qui se recentre. Hein. Merci beaucoup, Aïssa, c'est très intéressant ce point de vue. C'est encore, on tourne encore et on a encore un autre angle de vue et encore un autre. Et maintenant, on va passer à la petite dame avec la lumière orange qui s'appelle Dominique. En vous écoutant parler, ça me fait penser au tricot et au crochet. On est tout le temps en mouvement et on en crée d'autres. Et puis après, c'est le repos quand on a terminé. Voilà. C'est une manière extrêmement pragmatique de voir le mouvement et le repos. Et ce qu'Aïssat vient de dire, et ce que Mickey disait tout à l'heure, c'était la conscience de soi au moment où on se met en mouvement, et le respect de soi aussi, qu'il faut avoir le respect de soi pour se mettre en mouvement, et la conscience. Oui, je pense qu'effectivement, ce sont deux façons qui sont d'autant plus présentes si on a la conscience, effectivement, qu'on est en mouvement ou qu'on est en repos. Et notre cerveau, des fois, il a de la peine à suivre. parce que le cerveau, il va plus vite. Donc, il reste encore en mouvement quand on est encore en repos et il est au repos quand on est encore en mouvement. Des fois, le cerveau, il va pas aussi vite que le reste. Ça dépend. Merci beaucoup, Domi. Et puis maintenant, nous allons passer à Vincent qui va nous dire ce qu'il pense du mouvement et du repos, lui. À travers tout ce qui a été dit par les uns les autres, d'abord, quelqu'un a dit aimer. Aimer, l'amour, c'est justement le repos dans le mouvement, ou le mouvement dans le repos, dans tous les sens de l'amour. Et puis aussi, cette île bienheureuse, le repos éternel, on tourne un peu autour cette île mythique qu'Olivier a évoquée. Je trouve que c'est à tous à quelque chose de fondamental qui est aussi qui est aussi dans les pratiques entre méditation et par exemple tai chi qui a été évoqué. Tai chi, c'est l'énergie en mouvement et c'est une énergie qui est à saisir dans le mouvement. Inversement, la méditation, comme c'est le Bouddha, dont c'est bientôt d'ailleurs le 28 mai ou le 27 mai, c'est la nuit de l'illumination de Bouddha. Et là, il atteint comme une illumination, c'est-à-dire un moment fixé qui n'est pas la mort, mais qui est ce que peut-être Rimbaud a désigné, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Et alors, à ce moment-là, c'est aussi peut-être l'envers. L'autre côté de la caverne de Platon, où Platon dit qu'on est comme des ombres qui s'agitent dans le mouvement, justement, et qu'au-dessus, il y a le ciel des idées, et qu'en fait, c'est là la vraie réalité. Alors, tout ça, c'est des questions qu'on se pose. J'ai essayé tout à l'heure de saisir ces contradictions, parce que sitôt qu'on arrive dans un moment de méditation, par exemple, à quelque chose de très lumineux et forcément fixe, qui n'est pas la mort, mais qui, comme ça lui ressemble, peut-être, puisque c'est peut-être dans la mort qu'on voit des choses autres. On parle du couloir lumineux, des mourants, de ceux qui sont passés par la mort, ou ceux qui arrivent dans la mort. Et donc, à ce moment-là, on est dans cette lumière, puis après tout aussitôt, je ne sais pas comment a fait Bouddha, on revient et on ne peut pas la garder, on est dans le mouvement, et il faut revenir. D'abord, peut-être qu'il faut savoir qu'il y a ce moment d'étoile fixe, de l'île bienheureuse, immortelle, l'île de, que désignait toute la mythologie d'ailleurs, l'île des immortels, l'Arcadie, ou bien l'Icarie, et moi aussi je suis allé en Arcadie. C'est ce que les poètes, à un moment donné, atteignent dans un moment ultime. Puis, je voudrais dire encore, tant que j'ai la parole, un petit peu, bien, les chapeaux, je vois Lisbeth, me font passer aussi à cette intemporelle, à cette impermanence, les modes, tout ça, qui changent. Puis, ça me fait penser aussi à la belle époque, qui a été une époque de folie, de mouvement, de futurisme, dans laquelle l'humanité s'est engouffrée, peut-être dans un excès de mouvement, qui aboutit d'une première guerre à l'autre, des années folles. Ça me fait penser à les chapeaux, ça me fait penser à ça aussi. Voilà, diverses choses et j'ai aucune réponse. Oui, le mouvement dans le chapeau, je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose de très, très juste. Eh bien, on va écouter Olivier, l'île merveilleuse, alors, le mouvement et le repos dans l'île merveilleuse. Il est là. Oui, je suis là. Écoute, moi, j'ai pas écrit dessus, j'ai juste noté quelques pensées comme ça. Donc, le mouvement et le repos ne sont-ils pas les deux faces de la médaille qui a pour nom création ? Rapporté au souffle, si on fait abstraction du temps d'arrêt dont parlait Aïssa tout à l'heure, le repos, à mon sens, peut être assimilé à l'inspiration, tandis que le mouvement peut être assimilé à l'expiration. Le repos concentre l'énergie, cependant que le mouvement la déploie. C'est dans le repos que se conçoit la forme, dans le mouvement qu'elle se matérialise. Le repos est le temps de la réflexion, le mouvement, celui de l'exécution. La musique commence toujours par un silence et se finit toujours dans le silence, assimilé lui aussi au repos par opposition au mouvement des notes qui est l'ossature et la mélodie, de la mélodie ou de l'harmonie. Le son est vibration de l'air et c'est le silence qui permet à la musique ou aux mots de prendre tout son sens. Sans ce repos qui permet à l'âme ou au cerveau d'interpréter le son en laissant se déployer jusqu'à son terme la vibration, il n'y a qu'un bruit informe et vide de sens, puisque celui-ci ne peut se révéler qu'au terme du mouvement. Et pour finir, Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé au 7e. Il l'a conçu dans le temps du repos antérieur au 1er jour. Merci. Voilà, c'est ce que j'ai noté un petit peu comme ça. Bah écoute... Écoute, c'est beaucoup hein, que tu notes comme ça. Donc, quand tu n'écris pas, je vois que tu notes déjà bien. Dieu sait à quoi ça ressemble quand tu écris. Alors là, ça doit être carrément un bouquin parce que là, c'est déjà vraiment bien écrit et bien expliqué. J'aurais voulu demander à Sylvie son avis sur le repos et le mouvement. Ça remarche. Non, non, je vous entends. Je suis à côté, je fais des trucs dans la cuisine, mais je vous entends. Voilà, alors Déjà, il y a eu tellement de choses de dites en écoutant au fur et à mesure. Moi, c'est vraiment avec le modèle de la nature. Voilà, l'équilibre, les saisons, les rythmes. Et puis, ouais, vraiment cette notion d'équilibre pour l'harmonie et l'harmonie pour l'équilibre. Très bien résumé. Voilà. Je te remercie beaucoup. Alors maintenant, je propose que ceux qui veulent présenter ce qu'ils sont en train de faire ou où on peut les retrouver. Christophe n'est pas exprimé sur le mouvement. Et... Non, mais j'ai l'occasion de le faire. Là. Allez, il va le faire. Voilà, lui, il va le faire dans sa conclusion parce que on va terminer en beauté avec Filmo qui va nous scotcher en terminale. Donc on va déjà présenter. Comment? On verra bien, soyons modestes. Oui, non, mais même modestement, on sera scotché. De toute façon, on sera scotché et on sera étiqueté, bien vu. Et j'aime bien, c'est un bon journaliste que nous avons à Agora. Alors, je voulais juste intervenir. Vas-y. À longtemps. J'ai un copain qui est là et puis qui nous a entendus et qui m'a soumis un petit texte là. Vas-y. Sur le repos et le mouvement. Bon, il faut dire qu'il est originaire des Alpes un peu, enfin, il est souvent dans les Alpes. Et il dit, la neige tombe, se pose et se repose en couches successives. Elle semble immobiliser la nature. Et soudain, sans prévenir, avec un craquement fracassant, elle se met en mouvement, s'engouffrant sans ménagement ou sans bruit ou de manière assourdissante dans tous les couloirs d'avalanche jusqu'à la vallée. Magnifique. Cet ami se cache derrière la bibliothèque, en gros. Comment? Et cet ami se cache derrière la bibliothèque. Non, il est à la cuisine, je ne sais pas ce qu'il fait. Il fait peut-être à manger, hein, à la cuisine, des fois on fait à manger. Pas toujours, mais quelquefois on fait à manger. Le voilà. Voilà, alors on peut lui dire bonjour. Alors il nous amène le souper, c'est ça? C'est une tarte à la renarde. C'est fantastique. Bonjour, monsieur la tarte à la rhubarbe. Il s'appelle Jean-Claude aussi. Ah, bonjour, Jean-Claude Rhubarbe. Voilà. Il y a Jean-Claude Borgir et Jean-Claude Rhubarbe. Voilà. Mais là, il est parti au four. Oui, voilà. Il ne peut pas être au four et au moulin. Hein. Voilà. Le moulin des lettres. On est bien d'accord. Voilà. Alors maintenant, je vais laisser peut-être. Libette nous présenter un peu quelles sont ses prochaines activités. D'accord. Oui, merci. Eh bien, tout de suite, on vient d'ouvrir une... Alors, mouvement et repos. Ça me faisait penser un peu au repos imposé pendant les confinements, surtout pour les créateurs, les artisans qui n'ont pas pu trouver leur public. Alors, c'est vrai qu'on a créé. Mais ça faisait un peu bouchon parce que moi j'ai beaucoup de stock et je n'ai pas pu rencontrer mon public. Donc on est à plusieurs artisans, on a créé un projet de boutique éphémère. C'est comme le mouvement qui s'ouvre. Et à Épinal, on a ouvert une boutique 14 rue Paul Doumer qui s'appelle Artishop. Désolée, c'est en anglais, mais ça nous plaisait bien comme sonorité. Et on est ouvert jusqu'au 15 juillet avec plusieurs créateurs de mode, vêtements et accessoires. Après, il y a un week-end qui me tient à cœur, qui est l'ouverture des ateliers d'artistes dans les Vosges, organisé par Pigmenté. Et moi et mon conjoint, Philippe, qui fait de la peinture, on ouvre notre jardin avec quelques invités, une céramiste, un sculpteur sur bois, une écrivain qui fait de la mosaïque en papier. Il y aura aussi mes chapeaux. Et c'est donc dans notre jardin au 66 rue de Bellevue. C'est les 5 et 6 juin. Et c'est ouvert à tout le monde. On espère qu'il fera beau, hein, que le soleil sera de la partie. Ensuite, je suis le 12 et le 13 juin au jardin d'Adoué, à Lay-Saint-Christophe. C'est une manifestation qui s'appelle Art au jardin. Un très beau jardin paysager avec une trentaine d'artisans d'art. Et en juillet, vous allez dire que je suis super active, mais on a attendu tellement longtemps. En juillet, je suis dans une boutique éphémère à Troyes avec des céramistes et des verriers. Et après, c'est repos. Très bien, merci beaucoup Libette. Beaucoup de rendez-vous pour aller voir ces superbes chapeaux et d'autres artistes. C'est vraiment très, très, très bien. Merci beaucoup. Aïssat, tu veux nous dire un peu comment ça a planté, qu'est-ce qui s'est passé, Libette? Est-ce que mon ordinateur a planté? Aïssat, je te vois. Voilà. Aïssat, oui, ça a juste planté un petit peu. Enfin, c'est. Ouais. Ça ralentit pour vivre. Oui, ben, ça n'a pas planté du temps que Libette parlait, ce qui est déjà fantastique. Aïssa, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut t'entendre prochainement, ce que tu as prévu? Disons que prochainement, je vais tenter d'aller rencontrer les personnes un peu à droite à gauche avec mon camion qui symbolise un petit peu ma volonté de lever une armée d'humour et d'amour. Et donc je vais jouer en échange de l'hospitalité. Ben voilà, je ferai un petit concert avec ceux qui veulent. Et donc du coup pour l'instant, ben voilà, on est en train d'essayer de caler des dates. J'aimerais par le cœur que vous me souhaitiez vraiment un bon voyage, parce que j'ai l'intention de partir au mois d'août, Inch'Allah. En Afrique, en fait, là d'où je viens aussi, en Mauritanie, plus précisément au Fouta. Et tout ça s'inscrit dans le cadre d'un seul et même projet qui est pour la paix, tout ça, tout ça. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, ben, je vous invite à aller liker mes pages, comme c'est ma page Aïssat et la page Chanson du Monde, c'est le nom de l'association. Voilà. Merci beaucoup, Aïssat. Ben, on se souhaite tous nos meilleurs voeux pour ce voyage. Avec le soleil dans le cœur. Et là, c'est des belles choses qu'on prépare maintenant avec ce printemps qui va arriver. Ce printemps, parce que j'ai l'impression qu'on est encore en hiver, mais enfin, voilà. On a Vincent aussi qui voulait nous parler de sa pièce de théâtre. Vas-y, Vincent. Mais avant, je vais rebondir sur les deux précédents en disant que, et tout le monde, en disant que mercredi prochain, justement, c'est des projets, mais c'est des projets collectifs, et tu y seras, Catherine. Il y a les réseaux d'être qui relancent, comme on a fait l'an dernier, une transhumance où on va réactiver la culture un peu partout. Alors, c'est différemment que l'an dernier, mais on va chercher la parole des gens. Voilà. Et Aïssat a participé le 26 juillet à la première transhumance, par exemple, et bien sûr, Christophe y était. Voilà. Et c'est ça qui existe. Et plus au petit mot pour Aïssat, et ça sera en je dirais autrement, je te le dirai plus. J'ai rencontré un Belge, Pierre Van de Verde, je ne sais pas si tu connais, qui a fait des films sur la Mauritanie. Ça, c'est soir. Tu connais? Peut-être. Il faudrait que je voie sa tête. Je lui ai parlé de toi et je te parle de lui. des films. Il fait un reporter. Bon, je dirais comment je l'ai connu, mais ce n'est pas ce qui est intéressant. Merci, merci. Dans le temps qui nous est imparti par l'émission, parce qu'il n'y a plus beaucoup, alors je vais être. Bon, moi, le prochain projet, c'est après-demain. S'il fait beau, mais s'il ne fait pas beau, ce sera dedans. C'est la pièce Le bal de toute vie que nous faisons à Blanche-Mer et qui avec la troupe Recrée et avec donc, Christophe, en curé d'ailleurs, un curé inquisiteur, qui se passe au XVIIe siècle, dans les Hautes-Vosges. Et c'est l'histoire d'une femme, après, c'est l'histoire d'une femme qui se déroule en fait en quatre temps de. Ça, c'est pareil, le mouvement et le repos. Et bien là, on aura, c'est Gabrielle qui est une femme de mineur au XVIIe siècle, époque de la guerre de 30 ans, époque de la sorcellerie également. Et Gabrielle qui est une femme, en fait, on va la voir à divers âges de sa vie. Et c'est quatre actrices différentes qui vont l'incarner, tant dans l'adolescence, l'adolescence est une sorte d'Alice au pays des merveilles qui va se marier avec les lutins. À l'âge adulte, c'est une femme qui peine et qui est maltraitée par son mari, que je représente, que j'incarne d'ailleurs, que je joue. Ensuite, c'est aussi Gabrielle Deuce, qui est. C'est, donc, je ne cite pas les actrices parce qu'il y en avait deux, il y en avait qui ne devaient pas ce soir. C'est Gondino, Félicie. Félicie, c'est Gabrielle 1. Puis il y a Evelyne, qui est Gabrielle 2. Après, on a Isabelle, qui est Gabrielle 3. C'est l'âme des deux. Et après, Lison, qui est Gabrielle 4. Gabrielle adolescente. Enfin, bref. Elles vont retrouver à travers la rencontre de la sorcellerie, active au XVIIe siècle, un moment de libération de la femme. Alors, je ne dis pas comment ça finit. C'est, en fait, je me suis à la fois, j'ai plongé à la fois dans l'histoire des Hautes-Vosges, qui est très forte à la guerre de 30 ans, qui est très, une période très cruciale, et en même temps, je me suis inspiré, malheureusement, dans les temps contemporains, de la vie de certaines femmes que je connais et qui ont été écrasées par leur mari. Et ceci étant tout en l'aimant, c'est paradoxal. Voilà. Alors, c'est ce que raconte la pièce avec un univers fantastique. Alors, le lac de Blanche-Mer, si on peut l'avoir, c'est notre lac, c'est notre joyau au pied du Honec. C'est un lac merveilleux, un lac, c'est presque l'île merveilleuse, une forme de. Enfin, un écho de l'île merveilleuse dont on parlait tout à l'heure, dont parlait Olivier. Et si ce n'est pas le lac, ça sera la halle des congrès. Alors, c'est à 15h lundi. Alors, il faut s'inscrire. Alors, je ne donne pas le numéro de téléphone. Vous ne le retiendrez pas. Mais enfin, il faut téléphoner à la Comcom parce qu'il y a public limité. Hein, que ce soit en plein air ou que ce soit dedans, c'est 50. Là. On a le droit à 50, c'est pas mal. Et il y a des chances qu'on a, que ce soit dedans. Alors, bon, que demain, on revise toute la mise en scène. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a deux acteurs qui ne sont pas là, qui ont besoin de dormir, c'est-à-dire Félicie et Ségonino, qui ne sont pas là. Donc, ils préfèrent se réserver pour la grande répétition de demain, sous la pluie ou dedans. Voilà. Et cette pièce est accompagnée. Alors, c'est normalement, on se balade autour du lac. Ça fait depuis 2013 qu'on a choisi le lac pour nos représentations, et c'est dans le cadre de la semaine des arts, la semaine des paysages qui commence demain. Et on a plusieurs manifestations, une exposition qui aussi repose sur l'exposition qui montre le temps qui passe et l'évolution du paysage à travers le temps, l'impermanence d'une certaine façon du paysage, et puis un atelier d'ailleurs qui se finit le 29. Donc la semaine du paysage, on en fait partie, et on a des musiciens qui accompagnent dans le périple. Alors, les musiciens sont Christophe Toussaint, qui a vraiment l'esprit de l'âme des Hautes-Vosges, avec notamment, si on connaît, Terra Incognita, Terre Inconnue. Voilà, c'est la musique de Christophe Toussaint, qui naît le corps des Alpes, pas Nicolas Arpa, si, c'est Nicolas Arpa parfois. Et puis d'autres instruments, Vielle à roue, bien sûr, la Vielle à roue qui anime notamment une scène, c'est une pièce tragique, hein, mais à un moment donné, il y a un banquet complètement succulent, et où c'est la grande grabouille, où les gens de la montagne, les mineurs et les montagnards, se réjouissent et prennent leur revanche contre la dureté de l'époque. Et c'est une espèce de délire dans lequel on voit une actrice, je vais la citer, Marie Montémont quand même, qui joue une sorte de sorcière encore, et qui danse jusqu'à épuisement, jusqu'à la mort. Et aussi la danse, le repos. Voilà. Et on a aussi Michel Giannini qui accompagne les chanteurs, le public tout au long du lac. Voilà, alors c'est pour donner une idée de l'ambiance. Donc, et on a Christophe Philippe qui fait un curé inquisiteur qui va mettre en procès la pauvre Gabrielle et qui va la terrifier. Je sais pas ce que tu en penses. Tu peux lui donner un peu la parole. Je pense maintenant que Filmo va nous faire notre. Puis après, on verra parce qu'il y a Jean-Claude qui n'a pas dit un dernier mot. Et bon, oui, c'est bien d'avoir encore des chansons. Hein. Oui, ben, il nous fera peut-être une. Voilà, puis Aïssa t'en verra. Mais là. Je vais vous faire un extrait du théâtre, si vous voulez. Un aperçu. Non, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous fasses le journaliste de l'Agora. Oui, mais après, il le fera après. Il va les affaires. Ah, d'accord, ok. Ça vous dit? Oui, juste 5 minutes. Une minute. Une minute, on y va. Une minute de cruauté de l'époque. D'accord. Alors, ça donne ça. Poussière, poussière, tu es poussière et ta chère femme est un conduit perdu que Dieu a voulu et qu'il te reprendra quand il voudra. Alors reponds-toi et remercie le Seigneur de sa bonté et ton homme de sa mansuétude. Voilà, et ainsi de suite. Je vois, eh bien, je suis contente d'être une femme au 21e siècle. Je n'en démords pas. Je suis contente. Oh ben, attends, le modèle de la pièce est toujours vivant et mal en point. Il faut quand même le dire. Il somatise. Donc, je suis partie d'une réalité que j'ai transposée 300 ans avant. Mais malheureusement, ça existe toujours. Hein. Oui, bon, ben, c'est bon. Moi, je compatis. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Je compatis largement. Merci beaucoup, Christophe. Et Filmo, alors, il arrive au galop? Oui, ok. Alors, Libette Jude, venue d'Épinal, au naturel, la soupe de lunettes, a tout de suite Néron sur soupe en rouge fumant. Elle a un chapeau, on en parlera après. Sylvie, peintre poétesse, le silence créatrice. Vous aimez qu'on parle au féminin? Et Jean-Claude arrive avec Olivier. Aïssat, alors j'ai fait un petit texte sur Aïssat, ça donne ça. En photo sur scène, en direct sur couverture, un message à passer, la citoyenne du monde. Ça me touche à chaque fois que je te vois. Alors, Dominique, flegmatique, égale à elle-même en orange nourrissant sur nos écrans. Aïssat, au reflet de la musique africaine, envolée de passages de frontières, atterrissage dans la foi des peuples, le sourire pour communication. Pendule à l'heure, la musique nous appartient, à tes côtés. Vincent, la vie sans relâche, pour ou le résultat ou l'absence dans la lumière. C'était très poétique ce qu'il nous a fait. Il nous a parlé d'Arjuna et d'Apollon qui ont rendez-vous avec l'univers. Le seul est riche, vivons dans l'autodérision, c'était l'époque. Oh mon bateau! Et alors, le mouvement activiste, le chinois est avec vous. Agir, non agir, quelle est la question? Jean-Claude qui voudra bien. La balade d'un fruit mûr sur le champ qui souffle encore la campagne. Il n'est plus là, il ne sait pas ce que je dis, il vaudrait mieux. Fraîcheur de vivre, il y a belle voix, le gala. Il a une belle voix, le gala. Elle a une belle voix, le gala. Oui, je suis d'accord avec toi. Une belle voix, le gala. Et alors, en numéro 3, je continue une petite seconde, je suis avec vous. Chapi, chapeau, palabop. Chapi, chapeau, palabop. Chapeau trois fois, madame, du travailleur social à la star du monde contemporain. Le de fleur à plumes sur un chapeau, égayé rond poétique. Et là, on est bien, on a envie de porter un chapeau. Et madame, chapeau encore une fois, 25 ans tout de même. À votre âge, 25 ans éternel, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Entre instants, chapeau, chapeau sculpture, artisan d'art du Grand Est, salon défilé, encore mieux après le film, chapeau Libette. Et Olivier, dans l'enfant de l'univers, le rêve accordé à la dévotion d'un acte souple, sympathique. On est bien, on s'entend bien, tout est bien coordonné. La vague de Françoise, la terreur d'un instant, sur un mur qui vous appesantira. Aïssat, Santa Fe, égale à elle-même, on danse dans les têtes, fête du soleil Mauritanie acoustique. Mauritanie acoustique. Et que dire encore de tous ces acteurs de la vie, comédiens s'il en est. Sylvie, l'énergie, la vitesse d'élocution, un rythme composé, évoquer le sens à l'action. Il y a de l'action, serait-ce? De l'action dans la patience? Merveilleux, merveilleux. Jean-Claude, les gens qui courent. La plaisance en vogue, la chanson des quatre saisons. Merveilleux. Nous, on en a la pizza, toi, t'en as la chanson. Moi, je trouve ça bien. Calme et mouvement, non-dualité et applaudissements. Et oui, Catherine, quand elle parle, au moins on l'écoute. Et certains applaudissent encore. Et oui, et oui. Olivier, l'île merveilleuse, un rêve acoustique. Alors là, on est bien. Rêve acoustique. Françoise, la vague de chaleur. Aïssat, shalom, shalom, shalom, shalom. J'adore. Et notre petite dernière page. À suivre, Aïssat part en Mauritanie. Et Jean-Claude, dans un hamac, mouvement repos complémentaire, les oiseaux du paradis captent l'air. Tout en couleur pour Françoise, entre repos éternel et repos militaire, l'air passe dans les plumes de Libette. Et accès au mouvement perpétuel, cycle du mouvement, aimer, aimer. Le mouvement dans le repos. Beaucoup de rendez-vous de Libet, renseignez-vous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, philosophe. Oh. Merci, merci. Oh. Alors, ouais. Merci, merci beaucoup. Merci. Allez, un troisième. Un troisième. Un troisième. Oh. Voilà, bravo. Christophe, merci beaucoup. En quatrième, voilà, on arrête. Hein. Alors voilà, on arrête. Je trouve quand même qu'ils sont fantastiques. En fait, je dois vous faire une confidence. Ce sont des applaudissements d'adolescents. Ah oui. Combien nous sommes d'éternels adolescents. Voilà, je ne dis pas voilà. Que vous êtes des adolescents, mais j'ai trouvé ça. Ça rappelle le Muppet Show. Oui, c'est ça, exactement. Jean-Claude, est-ce que tu veux nous dire quelque chose pour en finale, là, que tu as fermé ton micro. Dis-nous un petit mot. Chanson. Ouais, ben, une petite chanson, allez. Une chanson. Bah, où est-ce que tu as un mot à dire? Qu'est-ce que tu préfères? Où est-ce que tu as des annonces à nous faire? Alors, moi, je voulais vous dire que je fais de la chanson à domicile quand même et qu'il y a longtemps que je n'en ai pas fait. Et j'aimerais bien en faire. Et voilà, c'est très simple. Vous invitez à l'occasion de quelque chose, d'un anniversaire ou à l'occasion de rien. Vous avez envie de passer une soirée avec des amis, vous les invitez chez vous. Et puis moi, je fais mon petit concert, voilà, au chapeau. Et on passe un bon moment. Généralement, ça se passe toujours très bien. C'est entendu. Ben, écoute, c'est une très bonne proposition. Moi, je note. Je note personnellement, je note. Je note. Voilà. Okay. Et puis, est-ce qu'Olivier a quelque chose à nous dire? Après, on fera une petite chanson, Jean-Claude, ou bien Aïssat nous fera une petite chanson. Je ne peux pas vous dire que vous allez tous faire une petite chanson ensemble. Si on était en vrai… Non, mais Jean-Claude, ce serait bien une chanson de Jean-Claude. Oui, pourquoi? Voilà. Allez, Jean-Claude. Parce qu'en fait, j'aimerais bien t'entendre, parce que j'aime bien. Ouais, bon. C'est une occasion. Voilà, Jean-Claude, vas-y. Plein d'autres, j'espère, encore. Oui. Vas-y, Jean-Claude, gratte-nous quelque chose pour terminer, là. Allez, alors. Merci tout le monde, hein. J'espère qu'on se verra en vrai. Oui, ben moi j'espère. Alors écoutez, voilà, j'espère qu'on se verra en vrai et j'espère que, voilà, parce que c'est effectivement assez difficile comme ça, c'est sûr. Jean-Claude, vas-y, une petite, allez. Allez, une petite, oui, bon. Je n'ai pas oublié nos sauvages escapades, ni l'odeur vanillée qui drapait nos corps en tornade, les soleils, les rières qui débordaient de tes fous rires, la volupté première de se découvrir. Les sentiers difficiles où l'on ne savait plus très bien les contours de notre île, ni la certitude du lien, les langages inventés par avant de résistance, au jour désenchanté de l'existence. Je suis encore en chemin, et c'est tant mieux, j'attendrai après-demain pour être vieux. Ces richesses que le hasard a bien voulu offrir à ma détresse alors que je n'y croyais plus. Fortunes émouvantes de ces rencontres insoupçonnées où la vie réinvente nos années. J'ai sauté dans des flaques et j'ai pourchassé des Indiens. J'ai pris des paires de claques, paraît que c'était pour mon bien. Mais dans les prairies, les vergers, j'ai appris à ma façon à devenir berger de chansons. Je suis encore en chemin, et c'est tant mieux. J'attendrai après-demain pour être vieux. J'irai encore par les chemins en d'autres lieux. Il sera temps après-demain pour être vieux. Merci. Bon, ben on va faire un petit tour pour se dire au revoir là. Alors, qui est-ce qui n'a rien dit? Olivier, tiens, allez, dis-nous un petit mot. Bon, ben, moi, je prévois rien. Alors, je voudrais juste vous parler, en fait, d'une pétition que j'ai mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale pour demander une enquête sur les agissements de l'aide sociale à l'enfance, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de témoignages de personnes qui se plaignent de ce service à qui on enlève les enfants ou d'enfants qui sont maltraités, voire violés. Je vous mets les liens là, d'un article sur mon blog et puis le lien de la pétition directement sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, par contre, il faut se connecter sur ce site via France Connect. Voilà, mais toi, ton site, c'est… Donc, il y a le lien… Il s'appelle comment ? Icaris.org, vous avez voilà. J'ai mis les liens là, le lien qui mène vers les amis dans la discussion. Ben, j'ai rien vu. Es-tu sûr? Ben oui, moi je les vois. Ah bon, vous les voyez vous? Ben faut pas que je suis. Moi je vois rien, mais peut-être que. Échappé chapeau. Ouais, non, je vois pas. Olivier, je crois que tu n'as pas envoyé. Non. Écrit, mais ah non, parce que c'est de moi, Sylvie, pardon. Ah ben parce voilà. Que comme j'avais envoyé quelque chose à Sylvie tout à l'heure, donc okay. Il faut que je les remette. À tout le monde, voilà. Alors, ça, c'est le site de l'Assemblée, voilà. Le site de la pétition directe. Ouais. Et puis, je vais vous mettre aussi le site du... D'accord. Où on retrouve la pétition sur mon site. Ah oui. D'accord. C'est une page avec un lien qui ramène vers le site de l'Assemblée nationale. Ce qu'il y a, c'est que je ne trouve plus maintenant. D'accord. Bon, on va passer, zoom. Pendant que tu cherches, on va te laisser chercher. Voilà. On va passer la parole, une des paroles finales. Allez, Dominique, dis-nous un peu. Simplement, merci à tous, merci à chacun de vous. C'est une très belle soirée et un enrichissement à chaque fois. Merci beaucoup, Domi. Pour ceux qui n'étaient pas là l'autre fois, Domi est notre secrétaire d'association Ralentir pour vivre. Voilà. Donc, je me soutiens énormément dans tout ce qu'on fait parce que c'est vrai que Ralentir pour vivre, c'est à mon avis ce qui nous apportera de créer un monde harmonieux et plus, on va dire, humain, si on se prend le temps de vivre, parce que c'est important. Alors, Françoise, un petit mot. Là, le micro qui est fermé, Françoise, donc voilà. Oui, moi, ça me fait toujours plaisir de participer et d'entendre ce que disent les autres. Je suis bien contente. Bon, bah, c'est gentil. De la soirée, et je dis merci. Voilà, ben merci à toi de ta participation. Marie-Christine, Mickey, qu'est-ce que tu veux nous dire de beau pour clore cette soirée? Pas grand-chose, tu n'as plus de micro, voilà. Merci beaucoup aussi. On était arrivés en retard, mais voilà. Vaut mieux tard que jamais. Voilà, c'est ça. C'est ça. J'ai trouvé magnifique toutes ces créations. Et la personne belge, là, ton ami belge aussi, j'ai trouvé ça très émouvant. Oui. Voilà. Et on retrouvera sur le site ralentirpourvivre.org les chapeaux de Lily Chatoc, l'exposition, et puis ben, l'Agora de ce soir quand je l'aurai montée, parce que voilà. Et puis elle sera aussi sur Radio Gemozo jeudi prochain à 21h et ensuite en podcast. On verra parce qu'il y a eu pas mal de bugs, mais j'essaierai d'en sortir le maximum. Sylvie, qu'est-ce qu'elle nous dit de beau, Sylvie? Voilà. Moi, ouais, pareil, je vous remercie pour toute la richesse de ces partages. Et je suis impressionnée de la richesse autour de la thématique. Et j'ai trouvé ça très, très ouvert, très nourrissant. Voilà. Voilà, cette soirée se termine. Merci d'avoir assisté à cette agora du 21 mai sur le mouvement et le repos. Nous vous remercions de votre écoute et vous disons à bientôt. Bonne soirée.